Bah, on va se mettre un peu plus loin là-bas. Ouais. Mais tu te présentes, les gens sont très très attentifs. Parce que du coup, c'est autour de la même table. Et puis après, il y a une discussion. Avant qu'il parte, il y a échangé. Voilà, et eh bien bonjour, monsieur Bernard Feur. Bonjour. Compositeur, fondateur du GM, co-fondateur du GMVL. Mm-hmm. Aujourd'hui, présent dans les rencontres Inouï Paysage. Mm-hmm. Et donc, ben, voilà, tu peux nous en dire un peu plus sur tes rapports à ce colloque, ce que tu as présenté ou... C'est très libre là, comme question. Oui, c'est très libre, mais c'est très bien. En fait, ce que j'ai présenté hier soir, c'est un travail sur le paysage sonore naturaliste, avec cette double idée qu'on peut s'intéresser au paysage sonore naturel, c'est-à-dire tel qu'il est, et donc l'enregistrer, et puis tenter de le restituer et faire quelque chose qui ressemble du point de vue audio à ce qu'on peut imaginer autour de la photographie de reportage d'une certaine manière, c'est-à-dire rendre compte avec plus ou moins de fidélité de ce qu'est la réalité d'un paysage sonore qui pour moi est toujours la recherche d'un paysage sonore naturel, c'est-à-dire un paysage relativement sauvage, on va dire. Naturel, c'est même assez complexe à utiliser comme, oui, comme vocable. Mais disons sauvage, c'est-à-dire qui, surtout au niveau du sonore, qui se met en place même dans des campagnes et qui, elles, ne sont pas sauvages, mais ici, en France, complètement domestiquées. Mais curieusement, dans des espaces très domestiqués, comme les espaces urbains, les paysages sonores sont très souvent sauvages parce que on n'a pas convoqué les espèces à venir s'y installer et elles sont venues ici conquérir des territoires. Bref, c'est une parenthèse, mais l'idée c'était de faire hier soir un concert qui présente des paysages naturels, enregistrés donc dans des espaces plus ou moins domestiqués, et dans un deuxième temps, de se dire qu'assez souvent, les gens qui font de ces enregistrements, qu'on appelle certaines fois aussi du field recording, ont aussi des aspirations, des vocations et des formations musicales et donc ont des statures de compositeurs ou des envies de prendre ces paysages sonores, se les approprier pour tenir cette fois-ci un discours qui n'est pas celui du monde sauvage mais le leur. C'est-à-dire en fait le propos d'une esthétique musicale en fait. D'une esthétique musicale et puis d'une lecture qui est la leur de ce paysage avec la volonté de faire entendre plus ou moins telle ou telle chose avec un discours qui peut même être un discours politique sur la gestion du monde sauvage dans nos paysages, etc. etc. Ou bien simplement s'intéresser à des aspects purement esthétiques, esthétiques du son, esthétiques du chant de l'oiseau, esthétiques des sons de la nature en général. Et donc, la première partie du concert faisait entendre des sons naturels, des prises de sons non trafiquées, comme on dit. Oui. Et dans un deuxième temps, on pouvait retrouver d'ailleurs certaines fois les mêmes personnages qui devenaient des compositeurs et qui, à ce moment-là, tenaient un discours musical et faisaient des œuvres délibérément de concert ou prévues pour la radio, le disque, ou, etc., etc. Et donc, en fait, c'est... dans un premier temps, on pourrait dire... une écoute artistique, une écoute musicale, c'est-à-dire en fait la musicalité elle est décidée par la posture d'écoute que nous avons et dans un deuxième temps quand on a affaire à des œuvres musicales alors le statut de musique est plutôt décidé par la personne qui met la chose en œuvre et qui espère que les autres y trouveront sa de la musique. C'est la subjectivité qui réécrit le... Voilà, mais c'est pas évident que les autres y voient aussi de la musique, mais en tout cas il y a le projet de la musique. Dans le premier cas, c'est une musique qu'on peut entendre. Dans un deuxième cas, c'est une musique qui est proposée. Ouais. Et je pense que c'est là que se situe la différence. Une belle définition claire. Qu'on puisse entendre, qu'on puisse proposer à entendre. Voilà. Merci. Merci. Et à d'autres Oui, et bonne fin de colloque. Merci. Puisque je vous quitte maintenant.